écoute aussi, qui vous respecte. En fait, dans mon travail, j'ai des sollicitations de partout pour écouter la radio. Et pourtant, c'est celle qui me rejoint souvent, plus que toutes les autres. Bienvenue et restez-y. Cette semaine à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec, nous vous présentons une entrevue avec Alain Deneau en lien avec l'essai « Gouvernance ou la tyrannie du management » qu'il vient de publier en première partie d'émission, puis ce sera la chronique de Renaud Blais en seconde partie d'émission. Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, ici Michel Monette qui vous parle. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de Sable d'Attaque Québec. Le Grain de Sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières, Attaque Québec. Un peu plus tôt cette semaine, je me suis entretenu avec Alain Deneau sur ce qu'il considère comme un coup d'État conceptuel, c'est-à-dire la colonisation de tous les champs de la société par la gouvernance. Mais d'abord, on écoute « Le monde est beige » de Charlie Foxtrot. We'll be right back. Voilà, c'était Le Monde est beige, Le Monde est beige de Charlie Foxtrot. Il y a comme une longueur, il y a comme un malaise, on a l'impression, quand on pense au mot gouvernance, on a l'impression qu'on tente d'aseptiser nos gouvernements, d'aseptiser nos administrations publiques. Enfin, Alain Deneau est titulaire d'un doctorat de philosophie de l'Université de Paris 8 et il enseigne la sociologie à l'UQAM. Il est l'auteur de Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique, Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle, Faire l'économie de la haine, 12 essais pour une pensée politique, tout cela c'est chez Éco-Société. Il a publié aussi récemment Paradis sous terre, comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale avec William Sachet aux éditions Rue de l'Échiquier. D'ailleurs, nous l'avions reçu en entrevue cet automne sur cet ouvrage. Et là, il vient de publier un essai sur la gouvernance chez Lux, ce dont nous nous sommes entretenus un peu plus tôt cette semaine avec lui. On écoute la première partie de cette entrevue. Alain Deneau, bonjour. Bonjour. Alain Deneau, vous venez de publier aux éditions Lux un ouvrage qui s'appelle « Gouvernance, le management totalitaire ». C'est un peu fort comme sous-titre, totalitaire. Oui, c'est évidemment hyperbolique, mais en même temps, c'est une épithète qui permet de faire comprendre à quel point un mot qu'on présente comme étant inoffensif ces années-ci, en fait, se trouve à conditionner énormément d'aspects de notre vie collective et sur un mode qui est difficile à percevoir quand on entend le mot lui-même. D'abord, pourquoi est-ce que cette organisation de la vie publique sur le mode dit de la gouvernance est préjudiciable? C'est tout simplement parce que il s'agit de transformer les modalités de délibération publique qui ont été les nôtres historiquement en strict mode de gestion à l'avantage des plus puissants. Oui, peut-être qu'on pourrait commencer dans un premier temps par définir exactement c'est quoi la gouvernance et quand ce terme est devenu populaire dans le domaine du management. Mais justement, c'est difficile de définir le mot parce que le mot n'a pas de définition. Ce qui me fascine quand on lit sur la gouvernance, c'est à quel point il y a autant de définitions du mot que de gens qui l'utilisent. Hein, si vous lisez des textes de politistes ou de représentants de l'Union européenne, par exemple, on vous dira que la gouvernance, c'est une sorte d'arbitrage que fait la Commission européenne à Bruxelles, conformée de comités non élus, comme on sait, entre différents lobbyistes. Mais quand on lit différents think tanks, on dira qu'au contraire, la gouvernance, c'est une forme horizontale de délibération entre différents partenaires, parce que vous savez, on dit plus les citoyens dans l'ordre de la gouvernance, on dit des partenaires, qui sont dans des espèces de partenariats au sens commercial, autour d'un projet qu'aura défini, sans qu'on le dise très très clairement, évidemment, les acteurs les plus forts. Et le projet est le plus souvent commercial, ou industriel, ou financier, il est rarement social ou culturel. Donc on a là toute une sorte de dynamique de prise de décision publique sur un mode gestionnaire, sur un mode managérial, et pas sur un mode politique, hein, qui sont des grandes orientations de vie en société. Et c'est ce qui pose le problème. Donc le mot gouvernance, il signifie tout ça, et pourquoi il est si plastique? Pourquoi il est si malléable, surtout par les puissants qui nous l'ont imposé? C'est parce qu'il n'a pas d'histoire. C'est un mot qui n'a pas d'histoire. Je veux dire, à partir du 13-14e siècle, on a cessé de l'utiliser en français. Il a complètement disparu du vocabulaire, et à l'époque, la gouvernance renvoyait davantage au fait de se gouverner soi-même. C'est une vieille étymologie, hein. Il y a cette vieille phrase dans le vieux français qui dit « la mal-gouvernance mène à tuante fin ». C'est écrit dans un vieux français, j'ai trouvé ça quelque part, j'ai mis dans le livre. Mais bon, au fond, la gouvernance renvoyait pas vraiment à l'activité politique, et surtout n'a jamais consisté à remplacer le fait même de la vie politique, dont on parle quand même du Moyen-Âge. Donc on est dans autre chose. Et là, dans le monde du management, on a ressuscité ce terme dans les années 1985, quand il s'est agi de penser comment devaient se structurer les grands groupes industriels transnationaux qui venaient de passer à travers des scandales, hein, comme Kodak, comme d'autres grands groupes, et donc après avoir limogé du personnel ou bien remplacé des têtes dirigeantes, on s'est mis à dire qu'il fallait, à l'intérieur des entreprises, penser sur le mode d'une gouvernance, on a ressuscité ce mot, la façon de bien gérer une entreprise. Mais peu à peu, ce terme est passé dans le discours politique et on s'est mis à gérer les États comme les entreprises prétendaient bien se gérer. Et ça a été ensuite les États du Sud et toute la politique mondiale. Oui, il n'y a pas d'histoire, mais vous situez quand même dans le temps là, son apparition et puis sa montée. Vous parlez-nous de la Commission on Global Governance. Oui, ben, en fait, si on restitue un peu la ligne du temps de ces dernières années, au moment où le mot est apparu, donc il y a eu d'abord dans la théorie des organisations, on s'est intéressé à des formes donc de contrôle des décideurs et des administrateurs et de ce qu'on appelait plus largement les parties prenantes, hein, les employés, les fournisseurs, les clients, et ainsi de suite. Bon, jusque-là, qu'on utilise le mot gouvernance pour penser une façon de gérer une entreprise, ça va encore, quoique le modèle puisse être terrible quand on considère certaines conséquences, mais il reste qu'on peut concevoir qu'on utilise un mot comme celui-là. Mais dans les années fin 70, début 80, Margaret Thatcher s'est emparée du terme pour, en fait, s'inspirer de la façon dont on gérait les entreprises pour gérer l'État. Et pour dire, au fond, ben, ce qui est bon à l'entreprise privée est bon à l'État, et on va gérer l'État comme une entreprise. Et il n'a fallu qu'un pas pour que l'État finisse par soutenir les entreprises en voyant les entreprises comme le fer de lance de la vie sociale et comme les locomotives de toute orientation collective. Et à partir de là, ce concept-là est devenu en quelque sorte expansif, hein, tous azimuts. Et c'est là que la Commission on Global Governance dont vous parlez s'est créée. Et c'est une sorte d'opération de frappe sémantique à l'échelle mondiale qui a consisté pour des faiseurs d'opinion à l'échelle mondiale, Maurice Strong au Canada, mais des têtes d'affiche dans le monde du développement ou dans le monde de la politique ou de la diplomatie. Hein. Ça a été une opération donc de la part de tous ces gens qui a consisté à faire valoir le terme dans la politique internationale, au sein de la Banque mondiale. Si c'est pas la Banque mondiale qui a motivé ce think tank, en fait, ce sont des bases communicantes, des groupes qui au fond se reconnaissent dans les mêmes milieux. Enfin bref, tout ça pour dire que les choses se sont ainsi développées que le terme est devenu une sorte de passage obligé auprès des bailleurs de fonds lorsque des ONG ou des universitaires ont voulu obtenir des subventions, et on a vu donc ce terme-là se propager. Voilà, c'était la première partie de l'entrevue avec que nous donnait Alain Deneau un peu plus tôt cette semaine. On fait une brève pause publicitaire, une brève pause musicale, et on va poursuivre avec l'entrevue. Bien, vous débutez le chapitre 2 dans... Débuter le chapitre 2 dans la phrase suivante. Il s'entend au vu de la gouvernance que l'État ne représente nul autre intérêt que celui d'un clan replié sur lui-même. L'État était pratiquement démonisé. L'État subit deux traitements quand on lit les think tanks et les théories, entre guillemets, de la gouvernance. Parce que la gouvernance, c'est ni vraiment une idéologie, ni vraiment une théorie. C'est une sorte de mot-valise qui permet à des acteurs puissants de dire tout et son contraire selon les circonstances. Il reste que les tendances fortes consistent d'une part à remettre l'État à sa place, et à faire comme si l'État était au fond une coterie de gens intéressés qui ne défendent plus qu'eux-mêmes. Hein? On ne reconnaît pas même sur un plan formel, les liens qui unissent l'État à la question d'une part du bien commun, de la chose publique, et d'autre part aux concitoyens qui sont censés se reconnaître dans l'État. Là, on est dans une logique tout à fait libérale où l'État, c'est simplement une sorte de groupe d'intérêt fermé sur lui-même, un peu comme si c'était un lobby parmi d'autres. Bon. Et l'idée, ensuite, c'est de dire que sur le mode de la gouvernance, on va rompre avec la souveraineté de l'État et on va penser en termes de partenariat entre des parties prenantes, c'est-à-dire des partenaires de la vie publique, c'est-à-dire tous ceux qui sont intéressés à discuter de leurs intérêts sur la base d'un projet précis qui pourra être l'exploitation des forêts, des mines, le développement d'une région ou encore je ne sais trop quel plan économique. Alors, essentiellement, c'est selon un axe économique qu'on pense la gouvernance. Donc, qu'est-ce qu'on dira? On dira, bon, ben, à ce moment-là, l'État sera un partenaire comme les autres. Il sera un père, il ne sera pas l'arbitre, il ne sera pas celui qui fait valoir les intérêts communs au-dessus des parties. Il sera seulement une partie parmi les autres. Et à ce titre-là, il retrouve ses prérogatives. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de réglementer, de déréglementer, de légitimer des projets, d'apporter son blanc-seing, de changer la loi. C'est-à-dire qu'il n'a ses prérogatives d'État que lorsqu'il est ramené au rôle de père, partenaire d'autres groupes de partenaires inégaux, dans le contexte de la délibération de type gouvernement. Parlons des citoyens maintenant. Vous dites que les citoyens sont remplacés par des porteurs d'intérêts. Oui, c'est-à-dire que c'est la vision qu'a la glose de la gouvernance sur la citoyenneté consiste à présenter les citoyennes et citoyens, même plus comme citoyennes et citoyens, c'est un mot qu'on utilise comme une sorte de d'entrée en matière, mais qu'on évacue très rapidement, au profit de la notion de partie prenante ou de partenaire ou de société civile, c'est-à-dire toujours des acteurs très libéraux qui n'ont en tête que des intérêts propres. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas qu'un individu, membre d'une communauté, c'est-à-dire une citoyenne ou un citoyen, puisse avoir une pensée sur la façon dont la chose commune devrait être considérer, c'est-à-dire une position qui est du coup politique, on évacue la politique au profit d'une lecture qui est strictement liée aux intérêts des uns et des autres, et souvent sur une base associative. Donc si, par exemple, on veut jeter un grand chantier d'exploitation de ressources minières dans le nord du Québec, par exemple, pour prendre un exemple qu'on connaît, sur le mode de la gouvernance, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre ensemble, autour d'une table, les parties prenantes qui trouvent un intérêt dans le projet. Donc, on aura certes des environnementalistes, mais ce sera les environnementalistes les plus mous qui sont susceptibles de se reconnaître dans le projet à la condition qu'on modifie tel ou tel aspect ou qu'on préserve tel ou tel aspect l'enjeu écosystémique. On va bien sûr inviter des membres des communautés amérindiennes, mais ce seront évidemment les plus conciliants qui seront prêts à se reconnaître dans le projet. On va évidemment éviter des gens, des populations affectées par les projets, mais ce sera encore là les interlocuteurs les plus dociles. Et les parlementaires seront invités, mais eux aussi seront présentés comme croyant au projet et comme travaillant dans le sens de sa réussite, et bien entendu, au centre de tout ce processus trôneront les financiers, les industriels, les commerciaux. Donc, on est dans une logique où la politique se dissout dans une façon de gérer le réel qui est une façon strictement économétrique, aveugle aux enjeux de société et intéressée sur un mode inavoué. Alain Deneau, dans votre conclusion, vous posez vous-même la question, d'accord, mais que proposez-vous? Que faire face à cette dynamique-là qui est en train de, finalement, de nuire à notre exercice du droit à la citoyenneté et en train de réduire nos États à des partenaires de l'entreprise privée? Ben, deux mots. D'abord, refus et responsabilité publique. Refus, c'est-à-dire qu'il faut refuser ce mot de gouvernance, il faut même en rire. C'est une farce. C'est une farce sémantique. N'importe qui s'est un petit peu intéressé à la pensée politique dans sa vie voit bien que ce jargon-là est constitué de néologismes qui ne signifient rien et qui sont à la solde des industriels, des détenteurs de capitaux et des avocats qui parlent pour eux. Donc on voit bien qu'on est dans une logique là, argumentative qui est colonisante, d'une part. Et d'autre part, la responsabilité qui s'ensuit, c'est en se déprenant de cela, en se dégageant hein, de cela, parce qu'aujourd'hui, la politique suppose moins d'être engagée que d'être dégagée. Donc, en se dégageant de toutes ces structures-là, il nous reste collectivement à se saisir de la chose publique, des enjeux publics comme tels, en tant qu'enjeux publics, et de se frotter aux très nombreux défis qui ne manquent pas de nous attendre là, dans les décennies à venir. En ça, ça nous prend des printemps, plusieurs printemps. Effectivement, plusieurs mouvements tels que celui-là, mais ça peut au I don't know more, peu importe. Oui. Ça peut être aussi sur des modes plus sobres, mais en fait l'idée c'est que où qu'on soit, on refuse d'être platement la partie prenante dans des tables de concertation dont les issues sont décidées d'avance. Bien, Alain Deneau, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Gouvernance, le management totalitaire, paru chez Lux dans la collection Lettres libres. Merci et à une prochaine. Merci à vous. Sans être tout à fait un imbécile fini, je n'ai rien du penseur, du phénix, du génie. Mais je ne suis pas le mauvais bougre, j'ai bon cœur, et ça compense à la rigueur. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent, ils n'emmerdent personne. Par malheur sur terre, les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Si le sieur X était un lampiste ordinaire, il vivrait sans histoire avec ses congénères. Mais hélas, il est chef de parti, l'animal, quand il débloque, ça fait mal. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent, ils n'emmerdent personne. Par malheur sur terre, les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Si le sieur Z était un jobastre sans grade, il laisserait en paix ses pauvres camarades. Mais il est général, va en guerre, matamor. C'était Jean Berthelot dans la chanson « Quand les cons sont braves », une composition de notre ami... une composition de notre ami Brassens qu'il n'a jamais indiqué lui-même, « Quand les cons sont braves ». On poursuit avec l'éditorial de Claude Vaillancourt. Cette semaine, son éditorial porte sur le gouvernement marois et l'accord de libre-échange avec l'Europe. De prime abord, rien ne semble rapprocher le Parti québécois et le Parti conservateur. Le PQ est un parti indépendantiste qui se veut progressiste de centre-gauche, le Parti conservateur et fédéraliste très à droite, ultralibéral. On se serait attendu à des étincelles entre eux ou au moins à quelques escarmouches. Pas du tout. Leur relation ressemble à un long fleuve tranquille. Tant que l'un gouvernement n'empiète pas sur le territoire de l'autre, tout va bien. La paix est assurée par le peu d'élus conservateurs au Québec. Les occasions de friction entre les individus sont rares. Il est cependant plus surprenant de les voir collaborer main dans la main. C'est ce qu'ils font dans la négociation de l'accord économique entre le Canada et l'Union européenne. Tous deux s'entendent très bien pour déposséder le Québec d'une bonne part de sa souveraineté. D'un parti fédéraliste, ça peut se comprendre. D'un parti qui aspire à rendre le Québec indépendant, c'est plus surprenant. Les négociations achèvent et déjà on est en mesure de constater quelles seront les pertes pour le Québec. Il est prévu dans l'accord que nous ouvrirons nos marchés publics aux multinationales européennes. Nous perdrons alors un levier important de développement local. Dans cet accord, les compagnies pourront poursuivre les gouvernements si ceux-ci adoptent des politiques qui affectent le bon roulement de leurs affaires. Les litiges seront tranchés par des tribunaux d'experts qui fonctionnent de façon non transparente. Le prix de la santé augmentera parce qu'on a fait le choix de favoriser le médicament de marque plutôt que le médicament générique. Qu'est-ce que nous gagnerons en échange de ces pertes? Rien de concret, semble-t-il, sinon un accès déjà largement ouvert et, disons-le, un peu abstrait, à un marché de 500 millions de personnes. En fait, on offre, par le biais de cet accord, une dangereuse protection aux investisseurs. En agissant ainsi, on croit pouvoir en attirer toujours plus pour développer le Québec, par le plan d'or notamment, qui ne semble pas vraiment mort. Ce qui est un très mauvais raisonnement. Les investisseurs ne viennent pas dans un pays parce qu'ils se sentent protégés. Jamais dans un endroit comme le Québec, d'ailleurs, ils se sentiront vraiment menacés, sinon par d'éventuelles nationalisations, mais qui pourraient être un bien pour tous. Ce qui intéresse les investisseurs, c'est de réaliser des gros profits, un point, c'est tout. Le Parti québécois affirme faire confiance au gouvernement fédéral pour négocier des aspects aussi importants que la protection du secteur de la santé, l'investissement et la culture. Il n'a soulevé aucune objection sur ce qui le tracassait lorsqu'il était dans l'opposition, l'ouverture des marchés publics et la question de l'investissement, entre autres. La politique du PQ est en parfaite continuité avec celle du Parti libéral. Les accords de libre-échange semblent être à l'abri des changements de gouvernement. Le Parti libéral du Québec, celui du Canada, le Parti conservateur et le PQ ont tous exactement les mêmes comportements en matière de libre-échange. Le négociateur en chef du Québec, Pierre-Marc Johnson, reste le même avec les libéraux et avec le PQ. Et ça, en dépit d'une apparence de conflit d'intérêts, il travaille pour un bureau d'avocats et une blequie, dont l'un des buts est justement d'offrir une expertise à des entreprises privées en matière de commerce international. On peut alors se poser une question fondamentale. En cette matière, les accords de libre-échange, qui décide? Les gouvernements ou les grandes entreprises? Il semble malheureusement clair que ce soit les secondes. Ce dont il faut se rappeler, c'est qu'un accord comme celui entre le Canada et l'Union européenne est une grande perte de souveraineté. Il va limiter de façon serrée le pouvoir de réglementer dans les domaines du commerce et de développer l'économie locale. Il ne faut donc pas se laisser endormir par les promesses d'une prospérité bien virtuelle de la part de nos gouvernements, mais il faut s'opposer à cette atteinte réelle à notre autonomie. Salut tout le monde, c'est Antoine Graton. Je vous invite le 15 février à l'espace Hyperion pour célébrer avec moi le 40e anniversaire de CKRL, la première radio communautaire francophone au pays. J'offrirai une prestation musicale démoniaque et mon ami Dee sera DJ pour la fin de soirée. Je vous attends. Procurez-vous les billets pour cette soirée retrouvaille au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue. Venez fêter le 40e anniversaire de CKRL avec nous. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le dimanche 20 janvier, 20h, au Cercle. Entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Tous les samedis soirs dès 20h30, venez vous faire injecter votre dose d'illusions auditives. Au listing, prog psychédélique garage pop des années 60 à aujourd'hui. Prescription appliquée par Vincent Delille et Jacques Dulac, qui vous donne rendez-vous de 20h30 à 22h à CKRL 89. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, Thé et Lounge, 67 René Lévesque Est et au Dorsay, le restaurant pub européen 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre. L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu. Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard. Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. CKRL 89.1. sommes de retour. Vous écoutez le grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Profitez-en aussi pour vous procurer des billets, soit pour la soirée retrouvaille qui se tiendra à l'espace Hyperion au 190 Saint-Joseph-Est le 15 février prochain, au coût de 10 $, ou même pour le cocktail bénéfice qui aura lieu le 5 avril à l'hôtel Château Laurier. Renaud Blais, bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Renaud Blais, vous êtes un militant altermondialiste depuis une douzaine d'années. C'est aussi une nouvelle année de chronique pour vous, mais aussi un nouveau contenu pour vos chroniques. Je vous laisse nous le présenter. Ouais. Bon, je veux d'abord, chers auditrices et auditeurs, vous offrir mes meilleurs vœux pour 2013. La très bonne santé toute l'année et au moins un petit bonheur à chaque jour. Alors, depuis bientôt 2 ans, je vous ai offert quelques fenêtres sur les Indiens d'Amérique. Pour continuer, je devrais aller vers la spiritualité des Indiens. Bon, je ne l'exclus pas, mais ce serait difficile pour au moins 2 raisons. D'abord, c'est un peu loin de l'orientation du grain de sable, et aussi, comme je suis très néophyte sur le sujet, je n'y suis pas très à l'aise. Alors, c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, l'orientation de ma chronique sera plus géopolitique. Comme je fréquente depuis une quinzaine d'années des Québécois d'origine étrangère, qui, comme je me plais à le dire, nous ont fait l'honneur de choisir le Québec, et plus précisément la ville de Québec, que j'ai moi-même choisi. Je prévois donc vous présenter ici quelques fenêtres sur des ailleurs vus d'ici. Bref, mon but est de vous présenter le point de vue de citoyens d'ici. Immigrants de première génération, ils ont conservé un très grand intérêt pour leur pays d'origine. Ils nous offriront un point de vue très différent de celui qui nous est servi par les grandes agences de presse et retransmis par nos grands médias à la solde des intérêts de leurs propriétaires qui les ont achetés pour mieux en contrôler le contenu. Je vous présente aujourd'hui quelques extraits d'une première entrevue très intéressante. Il s'agit de Fabien Alvarez, Québécois d'origine colombienne. Dans un premier extrait, Fabien se présente lui-même. Ensuite, il nous exposera son point de vue sur le processus de paix en cours dans son pays d'origine. Il y voit des avantages, mais il y fonde très peu d'espoir à long terme. Nous irons ensuite à la pause musicale. Mon nom, c'est Fabien Alvarez. Je suis colombien. J'ai une belle famille ici au Canada. Ma femme est colombienne aussi. On était ici depuis 2003. On est arrivé d'abord à Edmonton, à l'Alberta, qui a été choisi pour le gouvernement canadien, pour le ministère d'immigration. C'est le ministère d'immigration qui choisit l'endroit où les immigrants vont vivre. Pas nous. On n'a pas la chance de choisir. Donc, on était choisi pour le gouvernement, puis on était accepté pour le gouvernement parce que ma femme a fait la demande comme réfugié. C'est elle qui a eu sa famille plutôt. Des petits problèmes. On est arrivé en 2003 à Edmonton, puis on a suivi des cours d'anglais pendant à peu près 24 mois. Puis après ça, on a décidé d'apprendre le français et on a déménagé aussi au Québec en 2005. Okay. Donc il va y avoir à peu près 10 ans qu'on était ici au Canada. On est citoyen depuis 4 ans. Mes deux petits-enfants, on est ici. Manuel est né en Alberta. Puis Manolo est né ici au Québec. C'est un petit Colombo québécois. Puis alors, on était venu ici au Québec parce que c'est un rêve de continuer nos études. Moi, je suis anthropologue. Puis j'ai décidé de faire une maîtrise en sociologie politique ici à l'Université Laval. J'ai fini, ça fait 3 ans déjà. Puis ma femme était administratrice. Puis a fait un MBA aussi à l'Université Laval. À part d'être ici comme réfugié en principe, on a décidé de rester ici à suivre des cours, à se spécialiser dans une profession, puis à y élever une famille. C'est pour ça que depuis plusieurs essais de retourner à nos pays, de savoir si la situation a changé, si finalement on pourrait retourner, pas seulement la situation de guerre ou la situation qui a fait au début d'avoir quitté notre pays, c'est la situation économique, l'emploi, la situation de sécurité, après avoir fait beaucoup d'essais. Vous avez tardé de retourner? Oui, ça fait 3 ans. Ensuite, j'ai fini mon maîtrise. J'avais des offres d'emploi dans l'université parce que j'étais professeur à l'université. Okay. En Colombie. J'allais, mais les contrats n'étaient pas si intéressants dans le sens économique pour nous, pour nos familles. Alors, j'ai décidé 2010 retourner au Canada. Mais il est resté juste 5 à 6 mois. Mais vous aviez déjà votre citoyenneté à ce moment-là, canadien. Ah oui, ah oui. Okay. On a fait plusieurs essais de retourner. On dépensait la façon, parce qu'on est bien ici, qui nous sont pas contents dans les sens, mettons, dans mon cas, c'est l'emploi. Mm-hmm. J'ai pas eu la chance. Après avoir appris l'anglais, le français, avec un bac en anthropologie, une maîtrise en sociologie politique, et puis j'ai encore la misère de trouver un emploi. Des fois, je trouve des opinions qui disent que je suis trop qualifié. Des fois, peut-être c'est la langue, je ne la maîtrise pas très bien, même si je parle l'anglais et le français en même temps. Que peut-être des fois, je pense que c'est la profession, j'ai choisi les sciences humaines. Et puis, pour les systèmes capitalistes, n'importe dans quel pays, soit en Chine, soit ici au Canada ou en Colombie même, ce n'est pas une profession qui donne des profits économiques pour les systèmes et pour les systèmes comptables et pour les gouvernements. Tu vois qu'il y a des programmes sociaux dans tous les pays. Mais ici. Les mêmes familles ici. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti de l'Alberta pour revenir au Québec? C'est une vieille histoire, une trop longue histoire, mais c'est juste apprendre l'anglais puis faire une maîtrise à l'Université McGill en anthropologie. Mais après 6 mois, j'ai choisi l'Université Laval. Continuer mes études. Okay. Mais j'ai trouvé aussi des commentaires, j'ai entendu des commentaires qui disaient qu'ici c'est plus. Ils sont plus ouverts, plus chaleureux à la culture latino-américaine à cause de la racine latine que vous savez, les Québécois, plus chaleureux, plus accueillants. L'Alberta, comme la plupart des provinces anglophones, sont plus plates, froides, puis on trouve des expressions plus souvent, des expressions de racisme, de xénophobie, des choses comme ça, qu'est ici. Llevándose todo mi oro, vestido de blanco entero y con acento extranjero, me dio a cambio de oro dejarme mucho dinero. El tipo de que les hablo nunca más apareció, y un filme tan precioso y todo se lo llevó. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Solo en cambio mamá, viniste pa' acá a llevarte mi oro primero, con tu acento extranjero y tu pinche sombrero. Echa pa' allá, fuera de acá papá, no vuelve a robar peor. Señor, yo te dejo, vete con todo y espejo. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Con mi oro se ha acabado. Los dueños son empleados, más pobres ha llegado, la inocencia se ha marchado. Y de aquí no me voy, voy, de esta tierra yo soy, soy. Mi alma es como los ríos, camino recorrido. ¿A dónde fuiste? Con mi oro. Me dejaste sin mi oro. ¿A dónde fuiste? Con mi oro. Me dejaste sin mi oro. C'était le groupe Shock Queb Town, un groupe colombien, et il y a un certain lien avec l'entrevue qu'on a, Canedono nous a donné tantôt. C'est une chanson critique contre les minières, et on sait qu'Canedono a écrit sur les minières canadiennes et leur attitude un peu partout dans le monde. Alors Renaud, je vous laisse nous présenter la deuxième partie de l'entrevue. Bon, je suis toujours avec Fabien Alvarez pour ce deuxième extrait. Il nous donne son point de vue sur le processus de paix en cours en Colombie. Vous verrez, il y trouve des éléments positifs, mais exprime de sévères réserves. On l'écoute. Notez qu'en espagnol, on dit « la FARC » et non pas « les FARC » comme en français. Cela vous aidera à suivre attentivement ce à quoi je vous invite. Vous y entendrez aussi des échos en arrière-plan des enfants de Fabien, j'en suis désolé. De plus, Fabien s'exprime avec passion. C'est quand même vivant, si on veut. Oui, oui, oui. Il s'exprime avec passion, puis il va même jusqu'à frapper sur la table près du micro. Merci d'être indulgent. On l'écoute. Est-ce que le changement de gouvernement, pour vous, ça signifie quoi? Quel gouvernement? Ben, l'ancien ministre de la Défense qui est devenu président. On change de marionnette. Depuis 150 ans que les partis conservateurs et les partis libéraux ont pris le pouvoir en Colombie, on change de marionnette, comme aux États-Unis, n'importe dans quel pays, qui est dirigé pour le système capitaliste. Parce qu'il n'y a pas vraiment un processus participatif, il n'y a pas vraiment de démocratie comme nous voulons que soit la démocratie, dans le sens de peut-être de la démocratie participative, protagonique, ou la démocratie directe. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des directrices qui sont faites pour les organismes internationaux, pour les États-Unis, pour les 3-4 puissances mondiales. Donc, ils changent de président, de gouvernement, de chef du parti à son goût. Alors, si vous me demandez, est-ce qu'il y a eu des changements? Oui, on dirait que un petit peu. Il y a beaucoup d'avantages dans son processus de paix. À moi, il va y avoir un acteur moins dans les conflits. Il va y avoir moins de guerres. Il va y avoir moins de personnes tuées. Il va y avoir moins de personnes kidnappées. Il va y avoir moins des actions armées dans les villages. Il va y avoir moins de personnes blessées. À moi, on dirait qu'on peut gagner dans ce sens. Et il va y avoir, selon la vision de l'État et du gouvernement colombien, il va y avoir beaucoup d'inversions internationales à cause de qu'il y a un acteur moins dans les conflits. Il y a plus sécurité. Il y a plus sécurité les pays. Je ne sais pas si ce processus... On était vraiment convaincus que ce processus ne va jamais résoudre les problèmes sociaux. À la table, il y a les FARC et l'État, mais il y a le ELN. Oui. ELN, l'armée, l'Ejército de Libération Nationale, c'est l'armée de libération. Mais c'est quand même des gens armés. Ah oui, c'est la 12e guerrilla la plus importante de la Colombie dans les années 80-90. C'était plus important que la FARC. Il y avait à peu près 8000 hommes armés. Dans tous les pays. Est-ce qu'il y avait un contrôle de certains territoires, eux autres? Comme la FARC. Dans les 80% de notre territoire. Dans les 80% des villages, des villes, de la Colombie. Puis eux, ils ne sont pas assis à la table. Ils ne sont pas convoqués dans ces premiers essais. Ils sont envoyés des communiqués de presse vers la société, vers les médias, vers aussi au gouvernement. Ils ont envoyé au gouvernement des communiqués, des lettres, en disant nous sommes aussi prêt à participer dans un accord. Nous avons aussi la volonté politique, parce que selon ce que je comprends, nous savons toujours qu'est-ce qu'ils disent, nous avons toujours la volonté. Nous sommes ici, nous sommes créés comme une armée illégale pour construire la paix avec justice sociale. On dirait que la FARC s'est embarquée d'abord dans l'autobus de la paix, on appelle ça. L'autobus de la paix s'est embarquée d'abord, l'ELN, l'armée de libération nationale, l'autre groupe, était un petit peu renégué, était un petit peu reculé, était un petit peu de côté, il était laissé comme toujours, était laissé un petit peu en arrière, puis ça passe embarqué dans les premières dans les premiers contacts qu'il y avait entre la FARC et le gouvernement. Après que tout était apparu dans les scènes publiques, pour les médias, il va voir un accord de paix entre le gouvernement et la FARC, et l'ELN a dit, qu'est-ce qui passe avec nous? Nous voulons aussi, parce qu'ils n'ont pas reçu des coupes militaires comme la FARC, mais ils ont reçu aussi. Ils ont perdu beaucoup de puissance. Et la démobilisation. Oui, et des confrontations. Ils n'ont pas gagné beaucoup de combats depuis longtemps. C'est sûr que s'il y en a, selon le gouvernement, dit, attendez une minute, tu vas voir aussi ton jour. Okay. Attendez-vous, messieurs. Vous allez avoir aussi un jour. On va construire un agent parallèle. Peut-être, on va construire un agent différent avec vous autres. Mais il y a toujours l'affaire, il y avait toujours une façon de négocier. Il y a toujours un programme différent à l'ELN. C'était deux organisations, deux armées illégaux en Colombie qui ont été toujours motivées pour la gauche, motivées pour le socialisme, motivées pour le communisme. Mais l'agenda, la stratégie, la tactique qu'on utilisait, les deux, sont pas la même. Comme je disais tantôt, un, ça ressemble beaucoup à nos anciens camarades de l'Union soviétique, tandis que l'autre, ça ressemble beaucoup à nos anciens camarades, nos anciens compagnons. On dit, dans l'ancienne Union soviétique, on dit camarades. Dans l'Amérique latine, compagnons. À nos anciens compagnons de l'Amérique latine. Et tu vois, la façon de participer, c'est différent. Et l'ELN est beaucoup plutôt une chose qui s'appelle toujours, il appelle de 12-13 ans la convention démocratique. C'est-à-dire, c'est tous les peuples qui doivent construire une lettre pour naviguer dans notre pays avec la participation de tous les secteurs de la société civile et de la population, tous les secteurs du peuple. C'est ce qu'a dit l'ELN toujours depuis 14 ans, depuis toute la vie. Ah non, eux, ils seraient favorables parce que toute la gang là, de la marche... Patriotique? Ouais. Bon, on dirait qu'ils sont... J'ai dit, la marche patriotique, c'est un mouvement social de gauche qui n'a rien à voir avec l'armée, avec la guérilla. Il n'y a rien à voir. D'un autre côté, c'est un autre côté. Mais si on commence à faire l'analyse des discours, ben les discours de la marche patriotique, ça ressemble beaucoup à le Parti communiste colombien. Ça ressemble beaucoup à la FARC. Beaucoup à l'ELN aussi, et ça ressemble beaucoup aux origines du polo démocratique. À la fin, un pays avec vie sociale, avec démocratie représentative, avec l'égalité, avec dignité. Mais on trouve des philosophies et sociologies qui sont pareilles. La liberté, la justice, l'équité, l'équité. Mais au point de vue institutionnel, ils se rejoignent. Mais dans la façon d'agir, la façon de présenter, la façon de construire, qu'est-ce que vous avez comme programme politique, c'est différent. L'ELN attend son jour. Il est en train d'attendre, il manque, je ne sais pas de quoi, mais il envoie des lettres, des communiqués avec les organismes, nous voulons participer. Les gouvernements savent que l'ELN est plus fort dans le sens politique. La FARC est plus fort dans le sens militaire. Puis c'est pour ça qu'un jour, la FARC est obligée à l'État, et a mis l'État des genoux à négocier dans les 2003, parce qu'il était fort militairement. Tandis que l'ELN est plus fort politiquement. Okay. Et l'ELN bout toujours plutôt que soit la société civile là qui construit les programmes, l'agenda, les titres, les sorts du pays qui doit, à partir de la signature du processus de paix, ça va. Voilà. Alors, chers auditrices et auditeurs, c'était un point de vue très bien informé sur l'actualité en Colombie. Étrangement, un point de vue que nous n'entendons pas dans les grands médias. Au grain de sable et chez ATTAC en général, nous n'en sommes pas surpris. Constatons encore une fois qu'heureusement, des médias alternatifs sont là pour compléter l'information orientée dans l'intérêt des grands possédants. Alors, c'est sur ces mots que je vous donne rendez-vous dans un mois. Merci beaucoup, Renaud. Et donc, on se voit dans un mois. Au revoir. Alors, on va faire une pause musicale et après, on va passer à quelques éléments à surveiller cette semaine. Verá, compadre, este ritmo pegajoso se llama poder. El virus contagioso lo usa el farsante que manda la nación. Cobija a tus amigos con toda corrupción. Mira, compadre, este ritmo pegajoso se llama poder. El virus contagioso lo usa el farsante que manda la nación. Cobija a tus amigos con toda corrupción. Manipula a los medios de información. Pone al pueblo contra la pared como pescado atrapados en la red. Cortinas de humo para atención desviar. Casi en la cima podés perpetuar. Bailemos esta cumbia, cumbia poderosa. Cumbia rabiosa, cumbia poderosa. Bailemos esta cumbia, la cumbia contagiosa. Bailemos esta cumbia, cumbia poderosa. Bailemos esta cumbia, la cumbia poderosa. Bailemos esta cumbia, la cumbia poderosa. La cumbia rabiosa. Norte a sanidad, tenemos que gozar. Vamos a cagarnos, salgamos a luchar. Saquemos las paredes, hagamos de curar. Salgamos a la calle, no te hagas asustar. La fuerza pública no debe tu tener. Solo maniquíes de payaso en el poder. los manipulados intereses clandestinos. Solo se aprovechan del pueblo engañado. Abusan como sacerdotes. Degenerado, abusan. Político corrupto. A ese plan lo entrenado al candela como el educto. Bailemos esta cumbia, cumbia rabiosa. Bailemos esta cumbia, cumbia poderosa. La única salida que tenemos es luchar. Rayemos las paredes, hagamos escuchar. Salgamos a la calle, no te dejes asustar. De la fuerza pública no debes tu temer. Solo maniquíes de payaso en el poder. Bien ignorantes, simios asesinos manipulados. Intereses clandestinos solo se aprovechan del pueblo engañado. Abusan como sacerdote. Degenerado, abusan como político. Bailemos esta cumbia, c'est une pièce de Mr. Ezio avec Caballo en présence exceptionnelle. Quelques éléments à surveiller cette semaine. Je vous rappelle que ces éléments sont sur le calendrier média de la démocratie en action et la démocratie, c'est vous. C'est produit par le réseau du Forum social de Québec-Chaudière-Appalaches. C'est au www.réseauforum-en-un-seul-mot.org/grille-calendrier. Le 20 janvier, c'est-à-dire demain, 14h, le Nord canadien en pleine mutation. Vraiment? Ça, c'est à la bibliothèque Christine Brouillet, au 264 rue Racine, à Québec. Depuis bientôt 20 ans, les scientifiques annoncent des bouleversements climatiques et le Nord du Canada n'y échappe pas. Depuis 20 ans, la GRC a pratiqué l'euthanasie politique des véhicules en route des Premières Nations sur leurs chiens. Depuis plus de 2 ans que le gouvernement du Québec annonce son plan Nord. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le Nord québécois et canadien. Et c'est dans le cadre de l'exposition Émotion au Nunavut Nunavik que le pilote professionnel et photographe Michel Thibert offre une perspective aérienne du Nord sans tomber dans les clichés. Il aborde la découverte du Nord canadien avec des anecdotes sociales, économiques et environnementales. Il fera découvrir les richesses et certains des défis du Nord canadien. C'est gratuit avec réservation téléphonique ou sur place. C'est une durée d'une heure. Il y a une conférence à 14h donc demain, mais il y en a une aussi le 23 janvier à 19h. Vous aurez les coordonnées pour joindre les organisateurs de cette conférence sur notre blog. Ensuite, le 21-22 janvier, il n'y a pas de piquerie dans mon quartier. Je le signale en passant, ça va passer sur Télé-Québec, sur les ondes de Télé-Québec. Le 21 janvier, c'est à 21h. Et le mardi 22 janvier, c'est à minuit. Mais à 3h aussi de l'après-midi, à 23h de la nuit, le 21 janvier. Alors ça, c'est en lien avec la toxicomanie dans la ville de Québec et on sait toute la controverse qu'il y a eu autour de la présence de piqueries contrôlées, évidemment, dans le quartier Saint-Roch. 23 janvier, 19h15, transition écologique, économique et politique pour un monde viable. Ça, c'est François L'Italien qui est invité par les Amis de la Terre de Québec. François L'Italien est professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval. Il est chargé de projet à l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC. Ça, c'est au Centre culture et environnement Frédéric Bac, 870 avenue Salaberry à Québec, C'est à la salle Michel Jourdan, à la salle 322. Il y a une contribution volontaire demandée de 2 à 5 $. 24 janvier, Robert Fisk, Printemps arabe, nous dit-on toute la vérité. Ça risque d'être fort intéressant. Ça a lieu à l'Amphithéâtre Hydro-Québec, au pavillon Desjardins de l'Université Laval, à Québec. Il y a des billets qu'il faut acheter, soit 10 $ à l'avance ou 15 $ à la porte. On va mettre un lien sur notre blog si vous voulez vous procurer ces billets. Et enfin, le 25 janvier, il y a le colloque